n'est pas dite, le sort n'est pas jeté. Prière de prévoir la paix de mes nerfs. Prière. Prière. Parole de primate, parole de blatte. Prière de prévoir la paix de mes nerfs. Prière. Prière. À hauteur d'atome, à hauteur de fantôme, à longueur d'angélus, à longueur de phallus, je la cherche par terre, je la cherche au fond des rivières. Comme on chercherait de l'or, la paix de mes morts. Alléluia. Chercherai de l'or, la paix de mes morts.